génocide ni au Mungere. Benoît Royce Chouboigna sur la mise en onde. De bonjour à tous et bienvenue à ce journal à langue française et dont voici les principaux titres. Le parti Savoigna Flot des Bois a organisé ce dimanche un congrès extraordinaire. Parmi les points à l'ordre du jour figure l'élection de nouveaux dirigeants de son parti. Et le gouvernement burundais a déjà entamé une réforme pour la prise en charge médicale sur base des cartes d'assurance maladie CAM. Pourquoi? Les explications tout de suite avec le ministre de la Solidarité nationale au Burundi, Martin Nivyabandi. Et dans la chronique nutrition de ce dimanche, le nutritionniste Atnaz Niyanogeye, qui s'était entretenu avec Gertrude Mawenayo, indique que les trois grands groupes d'aliments sont constitués de produits alimentaires différents et appelle les personnes âgées de plus de 40 ans songe à réduire la consommation de certains de ces produits. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, vous aurez les détails. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour débuter ce journal. Le parti Savoigna Flot des Bois tient ce dimanche un congrès extraordinaire. Selon Léon Senghenda Kouman, le vice-président de ce parti, ce congrès est organisé sous le thème de la consolidation du parti en vue de poursuivre l'œuvre inachevée par le héros de l'ère de la démocratie, président Dadaï Melchior. À l'ordre du jour figurent les élections de nouveaux dirigeants de ce parti, dont le président, son vice et le secrétaire général du parti. Rappelons que jusqu'aujourd'hui, ce parti Savoigna Flot des Bois était présidé par Frédéric Wambugignon-Vira en exil et Léon Senghenda Kouman à son vice-président, alors que honorable Pierre-Célestin Nahimana assurait le poste du secrétaire général du parti Savoigna Flot des Bois. Et page santé, une réforme est en cours pour la prise en charge médicale sur base des cartes d'assurance maladie CAM. Cela est dit par Martin Nivyabandi, ministre de la Solidarité au Burundi. Il indique que cette réforme est causée par quelques problèmes comme la non prise en charge des maladies, comme il le faudrait. Le ministre de la Solidarité invite toute personne à s'impliquer pour que les mutualités soient une réalité. Je vous prie de suivre le ministre burundais Martin Nivyabandi. Téléprogramme, carte d'assurance maladie, dans certaines structures, ça cause des problèmes. Et surtout quand il s'agit d'un montant modique, les responsables ne voudraient pas prendre des risques puisque les frais qui sont liés au déplacement pour le recouvrement, le temps qui est consacré, ne permet pas une certaine efficience quand vous gérez une structure de soins. Mais à ce niveau, la politique nationale de protection sociale donne des indications, donne des pistes sur la couverture de santé universelle. Les ministères qui sont concernés sont à l'œuvre pour qu'il y ait une réforme profonde au niveau de l'établissement d'une couverture universelle au niveau des soins de santé. Le code de protection sociale est en cours. Au niveau du ministère de la Santé aussi, ils sont à l'œuvre pour que les soins au niveau de toutes les couches de la population soient une réalité. Il y a aussi d'autres réformes à mener au niveau de ce programme des cartes d'assurance maladie pour que les personnes se soignent à travers des mutualités. Une étude est déjà disponible. Nous pensons que c'est sa mise en œuvre qui va nous permettre de trouver une solution à cela. Sinon, à l'époque, quand on a conçu la carte d'assurance maladie, c'était pour pallier à ce manque ou au problème de coûts exorbitants des soins de santé. Mais ici, on ne se fait pas d'illusions, c'est un processus. Nous demandons à tout le monde d'apporter leur contribution pour que ce programme soit une réussite. Isanganiro, la radio de l'avenir. Et dans la suite de ce journal, plus ou moins 45 kilogrammes de miel par riche moderne peuvent être récoltés par l'an, à la différence de l'apiculture traditionnelle. Rencontré dans la foire des produits fabriqués au Burundi, l'apiculteur Silas Nimagalitse estime qu'une riche traditionnelle peut produire plus ou moins 10 kilos. Les détails avec Ornella Mucho. L'apiculteur Silas Magalitse dit qu'utiliser les ruches modernes l'on gagne le temps et la quantité de miel comparativement à celui qui utilise les ruches traditionnelles. Vous voyez, comme moi j'utilise la méthode moderne, j'ai déjà fabriqué du cire. Dans ce cas, les abeilles viennent directement à ces cires et produisent du miel, alors que celui qui utilise la méthode traditionnelle, ce sont les abeilles qui fabriquent elles-mêmes du cire. Donc, vous comprenez que le travail qu'on a déjà fait de fabriquer le cire pour cette autre méthode, ce sont des abeilles qui les fabriquent d'abord et donnent du miel après. Et ça prend beaucoup de temps. Comme plusieurs gens ignorent le métier d'apiculture, il y a une perte économique dans le pays, car le miel du Burundi est beaucoup préféré même à l'extérieur du pays. Malheureusement, regrette-t-il qu'il y a une production insuffisante. Nous vivons dans un beau pays, par exemple, avant les années 1990. Il y avait une évaluation du miel de bonne qualité, et notre pays a été classé premier, et en deuxième lieu venait le Maroc. Mais on ne peut pas gagner facilement le marché de l'exporter parce qu'on trouve toujours que le Burundi a une petite quantité à exporter. Silas Magalité demande au gouvernement à la sensibilisation des jeunes gens pour promouvoir l'apiculture. Il indique que son métier est jusqu'aujourd'hui pratiqué par des personnes âgées. Selon lui également, le gouvernement pourrait prendre d'autres mesures pour développer ce métier, comme créer une usine de production du miel au Burundi. Également, le gouvernement devrait créer une usine de miel. En deuxième lieu, qu'il protège l'environnement et enfin sensibiliser à planter les arbres là où ils ne sont pas plantés. Car franchement, dans certaines provinces, c'est la honte lorsqu'on constate qu'il y a un déboisement. Et par conséquent, les abeilles ne peuvent pas vivre dans cet endroit puisqu'elles ne trouvent pas de quoi manger. Les abeilles ne produisent pas seulement du miel, mais ont également une autre importance comme faciliter la fécondation des plantes. Merci Ornella. Mucho l'épargne frauduleuse venant de la République démocratique du Congo affecte négativement ce made in Burundi selon le chargé du personnel à la société Afrique Textile. Bien que cette société importe certains produits chimiques nécessaires à l'obtention du produit fini, le problème de devise ne s'oppose pas à la frise textile, comme l'indique Félicien Nion Nizeguié. Il est chargé du personnel à cette société. Les problèmes de devise s'inscrivent dans la conjoncture économique actuelle. Mais nous souffrons comme les autres sociétés, comme d'autres sociétés en matière de carence de devise, mais on continue à tourner quand même. Avec cette production, êtes-vous satisfait? Vous sentez-vous compétitif au niveau sous-régional? La compétitivité, c'est une question, je dirais, progressive, puisque tout dépend du positionnement de différentes entreprises sur le marché. Pour ce qui nous concerne, le marché interne, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a que cette usine, mais quand même, il y a des tissus qui entrent en contrebande du Congo et donc qui, en certains moments, nous font mal sur le marché. Mais du reste, quant à la compétitivité, c'est un combat de tous les jours, on tend vers là. C'est la mondialisation aussi. Et donc, le niveau est satisfaisant. Le niveau de compétitivité est satisfaisant, mais on continue à améliorer toujours pour nous compétir avec aussi. Il ne faut pas seulement viser le niveau régional, il faut aussi viser le niveau mondial puisque c'est là où nous sommes. C'était Félicien Nionizigiye, il est chargé du personnel à la société Afrique Textile de Bujumbura. Il était au micro de notre consoeur Mireille Kanyang. Tout de suite, vous aurez droit à la chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Et chacun des trois groupes d'aliments est composé de produits alimentaires différents de ceux des autres groupes. L'explication est du nutritionniste Athanase Nianogeye. Par exemple, le groupe des aliments énergétiques est composé de céréales, tubercules et racines, alors que le groupe des protecteurs est composé de fruits et légumes. Le point avec Gertrude Mawenayo. Dans la chronique nutrition du dimanche passé, on vous a parlé d'une alimentation équilibrée, où l'expert nous a montré qu'une bonne alimentation doit être composée de trois grands groupes, à savoir les constructeurs, les aliments énergétiques et les protecteurs. Aujourd'hui, Athanase Nianogeye, nutritionniste, nous donne la liste des aliments à consommer dans chacun des trois groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des aliments constructeurs. Les aliments constructeurs proviennent des protéines animales, c'est-à-dire les viandes, le lait, les poissons, les œufs et les protéines végétales qui proviennent des haricots, soja, les petits pois et les champignons. Et c'est cette deuxième catégorie qui intéresse beaucoup les Burundais car les protéines animales ne sont pas en quantité suffisante. Malheureusement, mais il y a une poignée de gens de centres urbains qui abusent des protéines animales et cela attrape des maladies chroniques non transmissibles, notamment la goutte, le diabète et j'en passe. Le deuxième groupe, c'est le groupe des aliments énergétiques. Les aliments énergétiques proviennent essentiellement des céréales, des tubercules et racines, et les graisses qui proviennent des viandes et des huiles, notamment l'huile de palme. Les sucres aussi, disons, sont de cette catégorie. Alors, un citoyen burundais moyen doit en consommer entre 300 grammes et 500 grammes par repas, et selon bien sûr l'âge et selon l'activité physique qu'il exerce. Le troisième groupe est celui des aliments protecteurs. Il comprend les fruits et légumes. Pour les personnes dépassées à l'âge de 40 ans, Athanase Nianogeye leur conseille de diminuer la consommation de certains produits alimentaires. Alors, je lance un clin d'œil à ceux qui dépassent 40-45 ans. À partir de cet âge-là, il faut diminuer fortement le sucre, il faut diminuer le sel. Le sucre, comme ça, vous évitez le diabète. Le sel, vous évitez l'hypertension artérielle et les maladies liées au cœur. Il faut aussi éviter les graisses pour éviter notamment la goutte et l'obésité. Et il faut éviter les conserves. Les conserves, non seulement provoquent l'obésité, mais des fois, on consomme des produits périmés et qui peuvent provoquer des maladies comme le cancer. Et il faut aussi diminuer les charcuteries, c'est-à-dire les jambons, les saucisses. Athanase Nianogeye dit également que la pratique de certains jeunes des centres urbains qui consiste à grignoter de temps en temps n'est pas bonne. Certaines catégories des jeunes des centres urbains qui ne font pas assez d'activité physique, qui passent beaucoup de temps à grignoter du chocolat, de quoi, et qui passent beaucoup de temps devant les écrans de télévision, et cela attrape facilement l'obésité. Pour la prochaine occasion, nous vous parlerons de ce qu'il faut prendre comme petit déjeuner pour garder une bonne santé tout au long de la journée. Merci Gertrude Mawenaye. Avant de boucler les boucles de cette édition, on vous dit que la communauté islamique du Burundi, Komibou, appelle les musulmans et tous les Burundais à sauvegarder la paix. Cher Saïdi Kajandi, représentant légal de la communauté, de cette communauté, l'a dit ce dimanche lors de la clôture d'une conférence sous-régionale de la Komibou, l'Université internationale africaine de Khartoum, solidaire de l'islam au Burundi, trouve que la paix est une condition sine qua non pour que la vie du pays se porte bien. Voilà. C'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le parti Sahwanya Flodebou a organisé ce dimanche un congrès extraordinaire. Parmi les points à l'ordre du jour figure l'élection de nouveaux organes de ce parti. Et le gouvernement burundais a déjà entamé une réforme pour la prise en charge médicale sur base des cartes d'assurance maladie CAM. Vous avez eu les explications avec le ministre de la Solidarité au Burundi, Martin Nivyabandi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.